Chapitre 7e. Cette fois, l'organisation qui l'employait s'était définitivement attachée à sa personne. Plus question de reculer, de renoncer et encore moins de refuser l'exécution du contrat. Après avoir reconduit le couple qui emménagerait le lendemain après-midi, il regagna la cuisine, mi-figue, mi-raisin. Odette était en train d'éplucher des pommes de terre, la mine ravagée de larmes. David était assis à côté d'elle, essayant de l'aider comme il pouvait. « Tonton, regarde » fit-il en montrant Odette de son couteau. « Qu'est-ce que t'as fait à Tata? Elle n'arrête pas de pleurer. » « Mais non, mon chéri, tonton ne m'a rien fait, » répondit Odette. « Ne t'inquiète pas. Je viens d'écouter les nouvelles. Les Canadiens et les Anglais ont tenté un débarquement à Dieppe. Ça a été une vraie catastrophe. Les pauvres gars se sont fait massacrer. C'est un désastre. Oh, Louis, on n'en sortira jamais. » Louis ralluma le poste pour tenter de tomber sur le communiqué en question. Lorsqu'il s'agissait d'une défaite alliée, la radio diffusait l'info en boucle avec des accents victorieux. La voix altière du speaker rappela effectivement l'événement, en rajouta sur la déroute, la débâcle, l'inexpérience, le manque de préparation, la perte vaine en vie humaine des ennemis de la vraie France et du Troisième Reich. Il était très possible qu'Odette pleurât vraiment à cause de ce drame, car lui-même avait une boule dans la gorge. Il eut la sensation qu'on lui appuyait un peu plus sur la tête pour le noyer plus rapidement, ce qui renforçait sa volonté d'accomplir la mission dans laquelle il s'était engagé. Il caressa les cheveux d'Odette qui posa sa main sur la sienne, ce qui eut pour effet de rassurer David sur leurs sentiments réciproques. Cet enfant avait horreur des disputes, de la violence. Ces situations le mettaient immédiatement dans un état de stress intense, normal, puisqu'il avait toujours été élevé dans l'harmonie et la paix. Louis brûlait de leur annoncer l'adoption officielle de David, mais après réflexion, il eut peur que cela signifiât pour le gosse la perte définitive de ses parents. Aussi, il réserva la nouvelle pour la seule Odette. En attendant, il se mit lui aussi à éplucher les patates. Au bout d'un moment, Odette fut secouée d'un rire nerveux. « C'était comme ça, l'armée ?» dit la corvée de patates. « Mais oui, ma belle. Sauf qu'il y en avait des kilos à éplucher. Deuxième classe David, nom de Dieu. Vous voulez vous grouiller un peu? Vous n'avez aucun rendement, deux patates seulement. Et encore, vous laissez des pluches grosses comme mon doigt. » Là-dessus, ils partirent tous les trois d'un grand rire qui leur fit un bien énorme. « David, mon chéri, tu voudrais bien mettre la table ?» Pendant que le gamin s'activait, Louis s'approcha d'Odette et sortit de sa poche le certificat d'adoption tout en mettant un doigt sur sa bouche pour lui imposer silence. À la lecture du papier, Odette devint tout rouge, son regard alla vers David et le suivit un moment dans ses déplacements. « On le lui dit ?» murmura-t-elle. « Non, surtout pas, en tout cas pas pour l'instant. » Pendant le repas, Louis expliqua à David avec force précaution la nouvelle identité qui allait être maintenant la sienne. Le gamin manifesta d'abord de l'incompréhension, puis un refus têtu. « J'ai un nom, je ne peux pas m'appeler autrement, » s'écria-t-il. « Bien sûr, David, mais Hilbert est un nom juif, et la Gestapo sait que tu lui as échappé. Les policiers n'ont pas cru ce qu'a raconté ton père. Tu ne peux pas être soi-disant avec son cousin, puisqu'il n'a pas de cousin de ton père. » Ils savent que tu es caché quelque part, et s'ils nous arrêtent ou s'ils viennent ici, tu seras fait comme un rat, et nous ne pourrons rien y faire. Je me cacherai comme je me suis caché chez moi. » Louis se sentit complètement désarmé. Dire qu'un jour, il faudrait peut-être qu'ils lui apprennent qu'il était son père. À cette perspective, Louis se sentit à la fois content et coupable, comme s'il avait commis un rapt. C'est Odette qui prit finalement les choses en main, d'un ton ferme. « Écoute, David, tu n'as pas le choix. » Tu vas faire ce qu'on te dit et tu vas accepter la situation. Tu feras comme tout le monde. Tu te plieras aux nécessités. Vu ? David ne répondit pas, mais sa mine s'allongea et son menton tremblota au bord des larmes. « Voilà, » reprit calmement Odette, « tu t'appelles désormais Denis Van Lost et tu es né à Lesquin, c'est près de Lille. Tes parents, enfin tes faux parents, sont morts tous les deux dans un bombardement. On va dire que nous t'avons recueilli pour l'instant en attendant. » « En attendant de m'adopter » continua-t-il comme s'attendant à une catastrophe. Louis ne s'était pas trompé. L'adoption signifiait pour David l'arrêt de mort de ses parents. Odette enchaîna, patiente. « Non, c'est juste pour que tu puisses ne pas être arrêté et qu'on puisse t'amener partout avec nous, sans craindre quoi que ce soit. Et je pourrais sortir ? Oui, mais pas pour aller faire n'importe quoi. Je pourrais aller à l'école ? Oui, mon chéri, mais pas ton école d'avant, car là tout le monde te reconnaîtra, et ils te dénonceront, c'est certain. Non, nous allons t'inscrire à la communale, qui est juste à côté. Le 1er octobre, tu feras ta rentrée ici. » David sembla réfléchir. Il pesait le pour et le contre. En enfant intelligent, il essayait de se persuader d'accepter la situation. « Allez, ça y est !» finit par dire Odette, d'un ton enjoué. « David a compris. Et si on se détendait un peu ? Vous ne voulez pas qu'on écoute une pièce policière à la radio ?» Dès qu'ils furent seuls dans la demi-obscurité de la chambre, Odette rappela la promesse que Louis lui avait faite de tout lui raconter. Il commença son récit par la sortie des Hilbert de leur immeuble et la phrase en allemand captée par un témoin. Au passage des soins prodigués à la concierge du numéro 10, Odette lui broya le bras et murmura d'une voix forcée « Mais malheureux, qu'est-ce que tu as fait là? Tu es un assassin ?» Passant outre, il continua et raconta la visite chez Plantier le coloriste, puis sa rencontre avec la concierge du numéro 25. À l'aveu de son acte criminel, Odette se dressa violemment sur son séant et cette fois, elle ne se contenta plus de murmurer « Mais tu es devenu complètement fou, mon pauvre Louis, est-ce que tu te rends compte ?» Se disant, elle le secoua nerveusement comme un prunier, comme si elle tentait d'extraire le mal de son corps. Il se dégagea de son étreinte et continua son récit. Dès qu'il aborda la visite des deux policiers, elle eut aussitôt la réaction qu'il aurait dû avoir sur le moment. « Qui te dit que c'était des policiers, pauvre idiot ? Pino et Lambert, pouah ! Costes et Bellante, Laurel et Hardy ! Tiff et Tondu, pourquoi pas aussi ? Tu n'as pas senti l'embrouille ?» Négligeant la remarque, il en arriva au marché que les deux hommes lui avaient proposé, marché qui expliquait les nouveaux locataires, les papiers de David et ceux des Meyer. « Mon Dieu, mais tu te rends compte dans quelle galère tu nous as embarqués ? Qu'est-ce qui t'a pris ? Mais je ne pourrais pas faire autrement, Odette. Flic ou pas, tu réalises que ces types peuvent me dénoncer ? S'ils ne connaissaient que le crime des deux concierges, j'aurais peut-être refusé. Après tout, pour ces soldes meurtres, il faudrait trouver des preuves. Exhumer les cadavres. Refaire les autopsies. Et il n'est pas dit qu'ils trouveraient quelque chose. Bien sûr, si ce sont de vrais policiers, je pourrais parler sous la torture. Mais pense à la présence de David et à celle des Meyer. Là, pas besoin de preuves. Il suffirait de fouiller la maison de fond en comble et nous embarquer tous, toi y compris. C'est ça que tu voulais risquer. » Odette garda le silence car la harangue de Louis méritait réflexion. « Oui, bien sûr, » finit-elle par murmurer. « Mais je vais peut-être essayer de me renseigner sur ces deux types auprès de mon réseau. » Louis bondit sur pied et alluma. Le souffle court, il bégaya. « Ton réseau ? J'ai bien entendu. Qu'est-ce que tu racontes là ? Allez, parle !» fit-il en la secouant par le bras. « Ben oui, un réseau. Tu sais ce que c'est, non ? Il n'y a pas que toi qui désirais passer à l'action. Disons que je t'ai devancé, voilà. » « Mais tu aurais pu me mettre au courant. Pourquoi ne m'avoir rien dit ?»« Pour les mêmes raisons que les tiennes. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes et que tu puisses parler au cas où je serais arrêté. » Louis tournait dans la chambre comme un fauve en cage, fourrageant dans sa tignasse. « Me faire ça, c'est pire que si tu m'avais trompé. » Odette se leva à son tour et vint le prendre dans ses bras. « Tu n'exagères pas un peu, là. Maintenant, nous sommes au parfum, l'un sur l'autre. Plus de secrets. » Mais Louis n'acceptait toujours pas l'idée que sa femme pût être dans un réseau. « Madame fait dans la résistance. Ah, tu pouvais bien me traiter d'assassin tout à l'heure. C'est vrai que tu es un soldat allemand assis sur un banc dans un square, choisi au hasard, c'est de la résistance, ce n'est pas un assassinat. Mais moi, ce que je vais faire, se débarrasser de gens nuisibles à la France, c'est de la barbarie. J'aimerais que tu revoies au moins ton jugement. Calme-toi et donne-moi plutôt le signalement de tes deux types, car leurs noms ne diront certainement rien. » « Il y en a dans le réseau qui sont bien placés et qui pourront peut-être nous rencarder efficacement. Il faudrait qu'au moins tu saches à qui tu as affaire. Et toi, que sais-tu sur tes compagnons ? Je connais seulement les noms de code. Je te traite toujours avec le même contact, une mamie de 70 ans. Le réseau est connu sous le surnom de Sémaphore. »« C'est bien trouvé comme nom, » remarqua Louis. Odette eut soudain une autre idée. « Et pourquoi ne demandes-tu pas à Léopold de se renseigner ? Il a bien des contacts avec des officiers de la Gestapo, non ? Tu n'as qu'à lui dire simplement que tu viens d'avoir deux nouveaux patients qui disent être policiers, et comme tu aimes bien savoir qui tu soignes, tu voudrais savoir dans quel service ils bossent, au cas où ce seraient des tortionnaires. À mon avis, ça tient la route comme mensonge, et c'est bien le diable s'il n'arrive pas à se renseigner. Je préfère ne pas mentir à Léopold. » « Mais tu ne lui mens pas vraiment. Tu ne lui dis pas tout, voilà. Écoute, je verrai. » Le sommeil fut difficile à trouver pour l'un comme pour l'autre. D'un côté, Louis, bien qu'inquiet, était fier de sa femme. Cette action pour une cause commune allait les rapprocher. En revanche, les risques étaient doubles, et offrir un asile à David dans un couple de hors-la-loi n'était pas l'idéal. Mais tant pis, on ferait avec. Sur le coup de 8h30, Marcel décida de faire sa pause habituelle. Il avait rentré les poubelles vers 6h, puis avait balayé et passé la serpillière seulement dans les deux premiers étages. Au-dessus, les beaux prévoyaient que le ménage incombait aux locataires à tour de rôle. Malgré sa patte folle, Marcel travaillait aussi vite qu'un autre, et tout le monde trouvait qu'il remplaçait bien avantageusement sa mère, partie en sanatorium grâce à Louis. Durant son service dans la cavalerie, Marcel avait fait une mauvaise chute et en avait gardé une jambe raide. Il échappa ainsi à la guerre et au STO. Pour remplacer sa mère, Louis lui proposa de tenir la loge et, depuis 2 ans, Marcel donnait toute satisfaction. Il se serait fait couper en rondelles pour Louis, qui avait toujours été bon. La morale de Marcel était fondée sur les valeurs simples de reconnaissance et de servitude. Pour le reste, il se satisfaisait d'un rien et était toujours d'humeur égale. Assis à sa table, sirotant un café réchauffé, il aperçut un fort percheron franchir le porche de l'immeuble. Ayant gardé l'amour des chevaux, il se précipita vers la bête pour lui claquer la croupe, lui caresser le chanfrein, lui souffler dans les naseaux. Ça faisait si longtemps qu'il n'avait pas eu ce contact chaud et rêche d'une robe chevaline. « Alors, mon beau, tu sues, hein? Mais c'est que c'est un grand costaud, ça, madame !» Le cheval encensa en signe de satisfaction. Il tirait une charrette remplie d'un bric-à-brac de meubles. Le conducteur, un gros homme d'âge mûr, en bleu de chauffe, vint se planter à côté de Marcel. « Hé, mon gars, je viens livrer du mobilier pour les Beauchamp, » dit-il en grasseyant. « Les Beauchamp, Kézako, je connais pas. T'es sûr de l'adresse ?»« Qui c'est qui te l'a donné ?»« Bah, les Beauchamp, c'est de bonne blague. »« Mais y a personne de ce nom-là ici. Attends, mon petit père. Je voudrais pas que tu déballes tout ton bazar pour rien. » « Je vais voir le proprio Dardar et je reviens. »« Dardar, tu parles ?» marmonna l'homme d'un ton incrédule en voyant Marcel claudiquer jusqu'à l'entrée. Après s'être renseigné auprès d'Odette, Marcel, sans montrer sa surprise, revint vers l'homme en bleu. « T'avais raison, Léon, c'est au deuxième. Je peux te donner un coup de main, mais seulement pour les choses que je peux porter seul, rapport à ma jambe. J'avais compris, mon gars. » Briefé par Odette, Marcel demanda à l'homme de laisser les meubles devant la porte et dit que pour la suite, on se débrouillerait. Louis, entre-temps, sortit de son cabinet, offrit un généreux coup de blanc aux 2 hommes. Marcel laissa partir le déménageur, mais tira discrètement la manche de Louis pour attirer son attention. « Vous êtes sûr que c'est là, patron ?» Il m'avait semblé qu'il y avait déjà des gens dans cet appart. Louis prit Marcel à part, en regardant de tous côtés, comme s'il allait lui confier un secret d'importance. « Écoute, Marcel. » « Je t'ai toujours fait confiance et je sais que tu es loin d'être idiot. Alors » dit-il en baissant la voix. « Nous allons dire que dans cet appartement, il y a déjà les parents de M. et Mme Beauchamp qui s'installeront cet après-midi, d'accord ?»« C'est vrai, je l'avais oublié. »« Patron, qu'est-ce que je suis courge alors ? En attendant, qu'est-ce qu'on fait des meubles ? On va les rentrer et les installer dans la grande chambre du devant. » Pendant ce court déménagement, Léopold et Hans rentrèrent dans leur appartement. Entendant du bruit, ils grimpèrent à l'étage. « Un coup de main ?» fit Léo. Marcel fut un peu paniqué et lança Louis un regard semblant dire « On est beau maintenant, tiens !» En réponse, Louis eut un petit hochement de tête, signifiant que tout allait bien. Louis en profita pour mettre les meilleurs au courant et voir s'il ne manquait de rien. La surprise des 2 vieux fut grande, provoquant dans un premier temps leur angoisse. Puis, lorsqu'ils eurent bien compris les modalités de cohabitation et la garantie qu'elle offrait, ils se calmèrent et promirent de faire bon accueil au nouveau couple. Ainsi donc, petit à petit, les occupants de l'immeuble prenaient leur place dans le psychodrame qui se jouait, les événements les liant les uns aux autres pour former un groupe solidaire comme les acteurs d'une pièce de théâtre. Louis en avait pris son parti et de toute façon, il valait mieux ainsi. Restaient bien sûr les autres locataires de l'immeuble qui pouvaient poser problème en cas de grabuge. Juste à côté des Meyer vivait une vieille fille, Mademoiselle Jeanne de Labarre, dont la musique était la seule passion. Longue, sèche, diaphane, il était impossible de lui donner un âge. Comment ses bras fluets et ses mains arachnéennes avait la force de dompter un piano, on se le demandait. Elle vivait d'une rente que lui avait laissée son père et des leçons de solfège qu'elle donnait le matin. On avait l'impression qu'elle passait dans l'existence sans manger, boire, dormir, aimer, un être totalement éthéré. Comprenait-elle seulement les drames qui se tissaient autour d'elle? Louis et Odette, qui la connaissaient depuis des années, en doutaient. En face, sur le même palier, les Cassins, un couple de retraités de l'enseignement, passaient leur temps à dégoter des combines pour trouver des denrées ou de quoi en acheter. Ils faisaient quelques corrections de devoirs, mais cela était loin de suffire à leurs besoins. Ils avaient décidé de se priver le moins possible, une certaine aisance ayant toujours été le rêve de toute leur période d'activité. Ils pratiquaient la combine comme un sport physique et cérébral. L'autre appartement était provisoirement vide, les occupants ayant décidé d'aller prendre l'air dans la Creuse où l'on pensait que les Allemands ne mettraient jamais les pieds. Au-dessus, il y avait des chambres assez grandes et confortables, occupées par des petits employés laborieux, dont le souci premier était de passer inaperçus, impressionnés qu'ils étaient par la présence d'officiers allemands dans la maison. Ils se dépêchaient de rentrer chez eux dès qu'ils entendaient le claquement des bottes dans l'escalier. Depuis l'arrestation des Hilbert, Louis avait l'impression d'être pris dans le tourbillon d'un siphon, incapable de dominer les événements, tâchant seulement de rester la tête hors de l'eau. Petit à petit, telle une tache d'huile, le secret de sa délinquance diffusait dans son entourage. Marcel était maintenant au courant et tôt ou tard, par inadvertance ou hasard, d'autres occupants de l'immeuble pouvaient découvrir le poteau rose. Louis donna pour mission à Marcel de veiller au grain et de noter tout mouvement ou visite suspecte dans les étages supérieurs. Il ordonna aussi que la grande porte cochère et le portillon soient fermés à double tour avant le couvre-feu. On vérifia que chaque occupant de l'immeuble avait sa clé. Ainsi l'immeuble devenait un château au lourd secret qu'il fallait défendre pour survivre. L'après-midi, entre deux patients, Louis reprit ses recherches sur les poisons. Son intérêt se concentra sur le curare, seul produit d'une rapidité stupéfiante, efficace à faible dose et dont l'administration pouvait se faire en injection intradermique dans n'importe quelle partie du corps. Il lui fallait se procurer de la tubocurarine, préparation à base de condendodron tomatosum. Ce produit était utilisé en anesthésie et avait la particularité de bloquer l'acétylcholine, substance chimique responsable du fonctionnement du système neurotransmetteur. Utilisé seul, la tubocurarine plongeait le sujet dans une paralysie totale. Sans assistance respiratoire, le sujet mourait rapidement d'asphyxie conduisant à un arrêt cardiaque. Un de ses confrères anesthésistes et par ailleurs ancien copain de Bringue pourrait certainement lui en procurer, d'autant qu'il n'avait besoin que d'une très petite quantité. Vers 5 heures de l'après-midi, les Beauchamp arrivèrent. Louis et Odette décidèrent de les installer à la vue et au su de tous. Ils les présentèrent à Jeanne de Labarre, qui leur tendit une main froide et molle, et referma immédiatement sa porte. Puis ce fut le tour des Cassins, qui étaient enchantés d'avoir de la jeunesse sur le palier. « Entre voisins, n'est-ce pas, il faut s'entraider. Alors si vous avez des combines, n'hésitez pas à nous mettre dans le coup, » plaisanta le père Cassin. La porte de l'appartement refermée, il restait le plus difficile, l'osmose avec les meilleurs. Les deux petits vieux étaient timides comme de jeunes enfants et ne savaient que dire. L'épouse Beauchamp les mit à l'aise et leur laissa entendre qu'elle et son mari avaient au moins autant de choses à cacher que les meilleurs eux-mêmes. Ils se promirent de longues soirées au cours desquelles ils apprendraient à se connaître, à s'inventer un passé commun qui puisse donner le change. La journée avait été bien remplie et le couple Fogel regagna son appartement autant pour se reposer que pour faire le point avec son épouse. Assis dans son fauteuil préféré, Louis fondit soudain en larmes sans pouvoir se retenir. Odette lui prit la tête sur son ventre et fourragea dans ses cheveux en lui parlant doucement. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Tu craques, c'est ça ?»« Tout a été tellement vite, » sanglota-t-il. « Tu comprends, je n'ai pas l'habitude, moi. Je n'ai jamais eu à faire face à une telle situation. Jusqu'ici, ma vie s'est déroulée comme une route plate et droite, sans embûches, sans chaos, sans angoisse du lendemain. Maintenant, il va falloir que je craigne non seulement pour ma vie, mais pour la tienne, celle de David, celle de Marcel. » Il renifla comme un gamin chagrin, puis poursuivit, sans compter Léopold. C'est finalement moi qui l'a embarqué dans cette histoire avec Zilber. Total, ça n'a servi à rien sauf à nous attirer des ennuis. C'est vrai, Louis, mais essaie de ne pas noircir les choses. C'est tout de même Léo qui a proposé de lui-même de délivrer les Hilbert. Quant à Pinot et Lambert, les duettistes, dis-toi que de toute façon, tu serais tombé dans une embrouille. Ce sont tes idées qui t'y poussaient. Tôt ou tard, on finit toujours par agir suivant ses penchants. Puis, au bout d'un moment, elle lui releva la tête, le regarda dans les yeux et lui murmura « Moi, je t'aime mieux comme ça. Mon grand homme se conduit comme je l'attendais. Et puis, dis-toi que même si tu pleures, le matin devant la glace, tu te trouveras plus beau. Je veux être fier de mon Louis. J'ai l'impression de faire partie d'une troupe de théâtre. Ah bah pourquoi ? Tout le monde fait semblant, s'écria Louis. Toi, tu fais semblant d'être pétainiste. Léopold fait semblant d'être nazi. Marcel fait semblant d'être idiot. Les Meyers font semblant d'être parents. Les Bouchons jouent au jeune couple français. La vieille de là-bas se prend pour une artiste. Les Cassins pour des débrouillards. Pétain croit sauver la France. Hitler se prend pour Jules César. Voilà où on en est. La grande mascarade, le grand carnaval. On trouve normal que des gens soient réduits à l'état de bêtes en cage, cherchant leur pitance. Certains font leur beurre sur la mort et la faim. Et moi, dans tout ça, je fais semblant d'être à la hauteur. Contrairement à ce que pensait sa femme, Louis n'était pas du tout en train de perdre les pédales, bien au contraire. Il n'avait jamais été aussi lucide, et il percevait la conjoncture avec une acuité nouvelle. Au fond, ces deux meurtres lui avaient ouvert les yeux, bien qu'avec le recul, il les vécut comme des traumatismes. L'assassinat de la concierge du numéro 10 avait été perpétré sous le coup de la vengeance, alors que l'autre était une sorte de défi à lui-même. Il voulait savoir s'il pouvait tuer froidement, et il l'avait fait. Odette jugea qu'il fallait couper les ailes de son mari dans son envolée sinistre. « Calme-toi, Louis, ça n'arrangera rien, » dit-elle d'un ton péremptoire. « Tiens, on va s'envoyer une lichette de cognac, ça va nous ragaillardir. » Elle servit copieusement deux verres de ballon et but le sien en deux longues lampées. « Eh ben, c'est dans ton réseau qu'on t'a appris à lever le coude si haut ?» remarqua ironiquement Louis. « Oh, écoute, il faut vivre le moment présent. C'est la seule philosophie valable de nos jours. T'as raison. » Il faudra penser à demander à Léopold de nous approvisionner, fit Louis en contrôlant le niveau de la bouteille. Si ça continue, nous allons consommer autant qu'un Panzer.